Ok, 2005. Urban Lyrics, Triste Rue, KRM Sali. Ok. Jette un regard sur ma rue, triste et sombre, active dans l'ombre. Elle renferme un triste vécu pour mes potes vite partis. Est-ce la merde qui nous unit? Je m'inspire du silence de la nuit. Urban Lyrics, faites du bruit comme un bijou, 92 carats. Mon rap est convoité, violent comme méga et rap. M'a pas le boycotté, mon rap est un crime. Mais va pas me balance pour toutes mes victimes qui sous ma rime dansent. L'état veut nous foutre au trou comme des boules de billard. Je ferme nos sous, je parle pour tous les trimards. Pour qui l'argent manque, qui persévère, même caché dans une planque. La rue c'est la guerre, quand je rappe les fossés. Rien que je t'enseigne, au moins que c'est haute scène. Dans le rap je crache ma haine, supporter les peines. Pour s'en sortir un thème, sans cesse besoin d'une. Alors ça pique, rap aux jeunes pour taffer. Habille sur la garde. Je tire du bitume pour les faire qui rêvent de me faire thune. Je veux pas faire rage, juste faire kiffer. Ma tête à l'affiche dans le quartier. Rap fâché, ok, pas lyrique.